Voilà, c'est l'intempestive. Donc on est avec Laurence de Coq-Pierrepont, vous êtes prof d'histoire géo, je crois. Oui. Formatrice à l'UFM de Versailles. Mmh. Et vous venez de sortir en collaboration avec deux autres personnes, avec Corinne Bonafou et Benoît Falaise, un ouvrage qui s'intitule « Mémoires et histoires à l'école de la République, quels enjeux ?» chez Armand Collin en 2007. Et vous êtes également membre du CVEH, Comité de Vigilance face aux usages publics de l'histoire. Bravo. Donc on va parler avec vous aujourd'hui de cette question qui est devenue assez cruciale depuis que le nouveau président a été élu, celle de l'intervention de l'État sur des questions d'histoire dans l'enseignement à l'école, et plus généralement sur les questions d'histoire, sur la rédaction d'une histoire officielle, etc. Peut-être pour commencer, on pourrait s'appuyer justement sur le titre de votre ouvrage, « Mémoires et histoires », puisque dans ce couple « Mémoires et histoires », il y a toute la problématique justement autour de laquelle s'est développé le CVUH. Pourquoi « Mémoire au pluriel », pourquoi « Histoire au singulier » et quel est le rapport entre les deux termes ? Ça va être difficile de répondre de façon courte. Mémoire au pluriel parce que il s'agit évidemment d'interroger comment à l'école les différentes mémoires sont revenues un petit peu sur le devant de la scène et sont réinvesties et interrogées par les publics eux-mêmes, hein, comme une forme de reconnaissance de qui ils sont, hein, comme une forme de reconnaissance identitaire. Donc mémoire au pluriel et histoire au singulier, j'aurais bien aimé pouvoir la mettre au pluriel, mais il se trouve que la tradition de l'enseignement de l'histoire en France, hein, telle qu'elle s'est élaborée depuis, on va dire, les débuts de la Troisième République, cette tradition insiste sur une histoire qui soit une sorte de... nous, les enseignants, nous parlons de roman national, hein, donc c'est-à-dire une histoire qui soit une matrice dans laquelle chacun des citoyens serait susceptible non seulement de se reconnaître, et puis dans laquelle chacun des élèves serait susceptible de puiser des outils pour devenir de futurs citoyens. Voilà. Hein, donc voilà un peu la philosophie de l'enseignement de l'histoire sous la Troisième République. Il se trouve que nous sommes à un moment un peu charnière aujourd'hui, puisque cette histoire, elle est questionnée par des identités qui deviennent des identités multiples, qui ont des revendications de reconnaissance, et qu'elle est donc questionnée par des phénomènes mémoriels. Voilà. Donc, mémoire au pluriel, histoire au singulier, quels enjeux ? Je dirais que l'enjeu principal serait de réfléchir à justement comment conjuguer les histoires au pluriel dans une histoire au singulier. D'accord. Donc, il y a, en fait, dans le titre, dans la manière dont vous définissez les choses, la mémoire serait quelque chose de subjectif, qui est directement investi dans le champ social actuel, contemporain. Et l'histoire serait, je ne vais pas dire quelque chose d'objectif, quoi, mais quelque chose de plus... correspondait plus à un travail de recherche ou à un effort de distance, d'objectivation. Oui, la mémoire est forcément quelque chose de subjective. C'est pas pour autant qu'elle est illégitime d'ailleurs. Hein. La mémoire, c'est une forme de d'usage de l'histoire au présent, hein, de présentisme de l'histoire. Donc oui, il y a une forte part de subjectivité. Le travail d'histoire est un travail qui est plus scientifique, mais vous avez raison de mettre des guillemets dans le caractère objectif. Ça l'est jamais complètement. C'est une science humaine, hein, donc ça peut pas l'être totalement, mais en tout cas, c'est son horizon d'attente. Donc elle a un caractère qui est plus objectif. Elle procède d'une véritable praxis, hein, d'un véritable protocole de recherche qui consiste à croiser les sources, quelles qu'elles soient, hein, orales, écrites, archéologiques. Donc qui consiste à croiser les sources et puis à opérer une forme de montage pour une restitution des enjeux du passé. Hein, donc on voit que ça correspond à deux logiques qui sont à la fois complémentaires et différentes, mais qui ont toutes les deux leur légitimité dans l'espace public. publique. Et ça, c'est véritablement le propos du CVUH. Hein. C'est-à-dire de dire que les historiens ne sont pas enfermés dans leur tour d'ivoire, que ce ne sont pas simplement des chercheurs recouverts de poussière qui espèrent secrètement que leurs travaux un jour seront lus et serviront à quelque chose. Les historiens, ils ont aussi une parole à porter dans l'espace public. Hein. Ils ont aussi des outils à amener qui procèdent de leur propre compétence, hein, de leur champ de recherche. Ils ont des outils, on fabrique des outils en tant qu'historien, et des outils desquels les citoyens peuvent s'emparer pour justement alimenter des débats publics. Et donc de ce point de vue-là, forcément, on rencontre des processus mémoriaux qui, eux, procèdent de logiques, on va dire, un petit peu plus instantanées, un petit peu moins imperceptibles, plus subjectives, vous avez raison, plus affectives aussi. Hein, mais qui ont aussi leur place dans les débats et dans des différentes formes de prise de parole citoyenne, on va dire. Alors cette question de l'émotion, enfin du rapport entre l'émotion et l'histoire, je pense qu'on y reviendra par rapport à ce qui se passe actuellement. Peut-être pourriez essayer de resituer un petit peu le contexte, parce que Nicolas Sarkozy, ce qu'il pratique actuellement par ses interventions, c'est sur les questions d'enseignement de l'histoire, en réalité, n'est pas extrêmement novateur, c'est-à-dire qu'il renoue plutôt avec un mode de fonctionnement qui était instauré lors de la Troisième République, où il y avait un rapport extrêmement fort entre l'enseignement de l'histoire à l'école de la République et la construction justement de cette fameuse identité nationale qui, c'est pas tellement hasard, fait un retour aussi en ce moment. Vous parliez de roman national tout à l'heure. Est-ce qu'on peut parler de cette évolution de l'enseignement de l'histoire depuis le 19e siècle ? Vous avez raison de dire que l'enseignement de l'histoire, hein, je le rappelais tout à l'heure, est intrinsèquement lié à la fondation de la Troisième République. Hein. C'est-à-dire que d'emblée, l'enseignement de l'histoire a eu une fonction civique et politique qui reposait sur l'idée qu'il fallait, entre guillemets, fabriquer des républicains. Hein, et tout ça, c'était au moment des lois Ferry. Hein. Donc, il fallait fabriquer des républicains, c'est-à-dire sensibiliser les enfants aux valeurs de ce nouveau régime politique surgi, pour certains, de nulle part. Hein. Si vous lisez le livre de Jeanne Weber qui s'appelle « La fin des terroirs », vous verrez qu'encore même à la fin du 19e siècle, voire même au début du 20e siècle, pour certains paysans de France, la République, c'était une dame. Hein. C'était une dame à Paris. On ne savait pas très bien qui c'était. Donc, là, il y avait un véritable travail de sensibilisation, de conscientisation politique, on pourrait dire, à faire. Et l'école s'est chargée de ce travail à travers l'enseignement de l'histoire, c'est vrai, mais pas seulement. Et là, je vais faire un pont qui va vous intéresser particulièrement et qui va rebondir sur ce que vous disiez. À travers l'enseignement de l'histoire, mais surtout à travers l'enseignement de ce qu'on appelait déjà à l'époque l'instruction morale et civique. Hein, puisque la lettre aux instituteurs de Ferry, qui date de 82 ou 81, oui, 82, la lettre aux instituteurs de Ferry met en place, institutionnalise cette instruction morale et civique, et la fonction première est de fabriquer de bons petits citoyens. Alors, enseignement de l'histoire au service de l'esprit républicain, oui, associé aussi au service du sentiment patriotique, tout ça allait de pair, hein, tout ça est replacé aussi dans un contexte des fêtes de 1870, crise entre guillemets identitaire, les Français ont-ils bien compris l'intérêt de défendre son pays, etc. Hein, donc, contexte patriotique, fabriquer du patriotisme, fabriquer de l'esprit républicain. Et de ce point de vue-là, on a travaillé, enfin les gens qui ont pensé le système scolaire à l'époque, ont travaillé sur la fonction de l'histoire comme une sorte de matrice culturelle constitutive d'une nation, donc effectivement d'une identité nationale. Hein, à l'époque, on commençait déjà à parler comme ça, donc constitutive d'une identité nationale. Et puis vous avez des héros à UTS, hein, des héros de l'enseignement de l'histoire, le fameux Ernest Lavis par exemple, hein, qui ont véritablement opéré une rencontre entre l'histoire universitaire et l'enseignement de l'histoire dans le secondaire, hein, et qui ont travaillé sur ce pont, hein, sur cette transposition didactique entre la recherche universitaire et le secondaire, pour élaborer ce qui est devenu le roman national, c'est-à-dire une grande fresque, Hein, une grande épopée qui voulait montrer qu'il y avait une linéarité progressiste dans la construction de l'État-nation France, hein, et qui s'appuyait sur des jalons, alors jalons chronologiques et surtout jalons biographiques à travers les grands personnages. Hein, donc ça allait de nos ancêtres les Gaulois, donc vers Saint-Gétorix Jules César, en passant par Clovis pour les racines chrétiennes, hein, Hugues Capet pour la construction de l'État français, Saint-Louis pour le bon roi justicier et roi très chrétien, jusqu'à Jeanne d'Arc. Hein, donc voilà ces grands personnages, et je fais exprès de les rappeler là parce que les nouveaux programmes de l'école primaire se réemparent exactement de cette logique, hein, ceux qui sont en consultation là. Donc voilà des grands personnages qui venaient jalonner un processus continu de construction territoriale, étatique et nationale. Voilà comment a été enseignée l'histoire pendant assez longtemps. Alors ensuite, vous dites que Nicolas Sarkozy renoue avec ça. Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, ça n'a jamais véritablement disparu. Le seul moment, la seule brèche où on est venu questionner cette fonction identitaire de l'enseignement de l'histoire, c'est dans les années 70, c'est post-68 en fait, hein, où là, on a commencé à travailler le décloisonnement disciplinaire, à se dire que finalement, fabriquer du citoyen, tout ça, ça avait un côté un petit peu ringard. Hein. Donc à l'école primaire, c'est la fameuse période de l'éveil, vous savez, où on faisait à la fois des objets artistiques, de la géographie, on sortait dans la nature, on parlait d'histoire. Enfin bon, tout ça était un petit peu mélangé. Mais début des années 80, très vite, hein, au moment de l'élection de Mitterrand, très exactement, Alain Decaux, notre grand historien national, après Max Gallo évidemment, Alain Decaux sort une longue complainte, hein, qui s'appelle, excusez le titre des journaux, « On n'enseigne plus l'histoire à vos enfants ». Donc ça fait comme ça un grand ramdam déjà médiatique, hein. On n'enseigne plus l'histoire à vos enfants, donc au secours. Ça y est, hein, l'identité nationale commençait à être en perdition à cause de ces 68 arts là qui faisaient rien du tout. Et un grand colloque s'ensuit à Montpellier, 1984, où là, de grands universitaires, les plus éminents universitaires se réunissent et puis commencent à réfléchir à nouveau, hein, sur finalement à quoi ça sert d'enseigner l'histoire. C'est le moment où Nora commence à sortir ses lieux de mémoire, et c'est 2 ans après les programmes Chevènement. Bon, Chevènement, vous connaissez un petit peu, je ne fais pas le tableau, et les programmes Chevènement reviennent exactement à peu de choses près, hein, à un ethnocentrisme de l'enseignement d'histoire, et puis à un retour, c'est le retour de l'éducation civique, voilà. Donc un retour finalement au même substrat. Donc Nicolas Sarkozy poursuit un processus qui ne s'est jamais véritablement éteint, mais il lui donne beaucoup plus d'acuité par l'introduction de ce qui est là nouveau, c'est-à-dire la dimension spectaculaire de l'effet d'annonce et de l'injonction de l'État dans l'école. Vraiment sa dimension spectaculaire et sa dimension ritualisée. Voilà. Là, il y a une véritable nouveauté. Oui, Gérard Noiriel, il parle justement de la nouveauté, en fait, dans la manière de traiter l'histoire, de traiter les événements en train de se faire, etc. Enfin, où il récuse totalement la comparaison avec Pétain ou avec d'autres époques, en faisant cette comparaison-là, ce qu'on ne saisit absolument pas, c'est cette dimension médiatique, en fait, de cette prise de cette intervention dans le domaine de l'histoire par Nicolas Sarkozy. Oui, tout à fait. Là, on est dans la société du spectacle plus, hein. Nicolas Sarkozy maîtrise parfaitement bien justement tous les rouages de la communication politique. On sait aussi qu'il domine un certain nombre de médias, hein, donc il a ses circuits et ses couloirs de circulation de la parole qui lui sont tout ouverts. Et ça, il le maîtrise parfaitement bien. Et là, effectivement, il y a quelque chose de très nouveau qui est dans la nouvelle temporalité de l'effet d'annonce. Hein. Mmh. C'est-à-dire que on est tous, et c'est très difficile de s'en défendre, et c'est une grosse question au CVUH, on a du mal avec ça, justement. On est tous acculés à la réaction. Tellement il y a une spectacularisation de l'annonce et une temporalité de l'urgence, hein, qui fait qu'on pourrait évidemment ne pas répondre, mais on prendrait le risque énorme de laisser une espèce de monopole de discours et de ne pas avoir de contre-discours possible à apporter immédiatement. Mais c'est extrêmement difficile de se positionner par rapport à ça, précisément parce que nous ne sommes pas des journalistes, nous ne sommes pas des hommes politiques non plus, nous sommes chercheurs, nous sommes enseignants, nous avons notre propre temporalité qui est celle de l'analyse, hein, qui est celle justement de prendre du temps d'analyser ce qui est en train de se jouer, d'analyser les enjeux, et que là, quelque part, tous ces effets d'annonce nous prennent de court. Et on est très encombré avec ça, hein. On est particulièrement encombré, parce que non seulement il y a une spectacularisation, il y a une temporalité d'urgence, et il y a une telle indécence de ce qui est annoncé, que là, on est dans quelque chose de surdimensionné, qui ne peut pas nous laisser indifférents, mais, et pour lequel on n'a pas le temps, enfin, face auquel on n'a pas le temps de la réflexion. Là, il y a quelque chose de vraiment nouveau. On aimerait pouvoir balayer du revers de la main. On aimerait pouvoir dire qu'il fasse ses petits trucs, tout ça, dans son coin. On aimerait pouvoir revendiquer le droit à l'indifférence. En plus, c'est ce que Sarkozy supporterait le moins, le droit, justement, que ça provoque de l'indifférence. Et on est malheureusement acculé à répondre. Mais ça, c'est un dilemme qui nous pose de vraies questions. Je vais vous raconter l'histoire banale de Jules César qui était empereur. Il avait un long nez comme une banane et ses oreilles c'était comme des chou-fleurs. Le soir doucement sur ses chaussettes, en pyjama en dessous de son peignoir, il retrouvait Cléopâtre en cachette, mais sa personne ne pouvait le savoir. Jules César, on l'appelait Jules César, il mettait pas de falzard, pourquoi voit ses belles jambes, ses jolies jambes, ses jambes de superstar. Jules César, on l'appelait Jules César, il mettait pas de falzard, pourquoi voit ses belles jambes. Jules César venait de la guerre, tout fier et victorieux sur son grand char. Il ordonnait qu'on distribue de la bière, qu'on buvait à la santé de César. Les gladiateurs dans l'arène passaient avec des sandwichs boudin noir. La fiesta durait parfois 6 semaines, il fallait l'avoir vu pour le croire. Jules César, on l'appelait Jules César, il mettait pas de bazar, pour qu'on voit ses belles jambes, ses jolies jambes, ses jambes de superstar. Jules César, on l'appelait Jules César, il mettait pas de bazar, pour qu'on voit ses belles jambes, ses jolies jambes, ses jambes de superstar. Un jour lui a dit peut-être, je vivrai chez toi, je quitterai mon rez-de-chaussée. Fou de joie, il cria par la fenêtre, tous les Romains ont dit il est cinglé. Après avoir entendu parler des jambes de superstar de Jules César par le grand Jojo, on revient tout de suite avec Laurence Decocq-Pierrepont, historienne, avec qui on est en train de parler de l'enseignement de l'histoire en France. Je pense que ce serait intéressant de réévoquer cette question de la spectacularisation du traitement de l'histoire, notamment par rapport à l'intervention que vous aviez faite sur le traitement du film indigène quand il était sorti. Mais peut-être avant ça, justement, revenir aux années 80, puisque dans les années 80, il y a quelque chose qui change un petit peu quand même, c'est une prise de parole d'un certain nombre de minorités, avec des guillemets encore une fois, qui disent « mais attention, regardez les programmes d'histoire, moi, mes ancêtres, déjà, c'était pas les Gaulois. Ensuite, mes ancêtres, par exemple, ont lutté pour décoloniser leur pays. Ça apparaît, c'est enseigné nulle part. Mes ancêtres ont lutté pour abolir l'esclavage. Ça apparaît nulle part, etc. » Il y a tout un tas de revendications qui commencent à arriver comme ça, qui font qu'il y a un changement de perspective. Il y a des voies multiples qui s'ouvrent à l'intérieur de cette histoire. Est-ce que vous pourriez parler de cette évolution-là ? Alors, il y a beaucoup de choses à dire et votre question est très pertinente. Alors d'abord, il y a des choses qui sont justes et d'autres qui le sont moins. On a un réflexe, et c'était déjà le cas dans les années 80, on a le réflexe souvent, quand une question est portée dans l'espace public, de charger l'école de sa d'une sorte de responsabilité dans la non-transmission de cette question-là. Souvent, c'est faux. C'est pas toujours faux, mais souvent c'est faux. Alors, en particulier en ce qui concerne le fait colonial, à aucun moment l'enseignement du fait colonial n'a été interrompu en France depuis les débuts de la Troisième République. Hein. Alors après, on parlera de comment on l'enseigne, hein. Ça c'est autre chose. Mais je veux dire, la dimension événementielle en elle-même a très rarement, pendant peut-être une dizaine d'années simplement, a très rarement, dans les années 60, a très rarement été occultée. Elle était même, contrairement à ce qu'on croit, au début du XXe siècle, elle était enseignée de façon extrêmement précise. Et vous aviez, moi j'ai vu des cahiers d'écoliers de début du siècle, donc des enfants hein, qui avaient 7-8 ans, et qui retraçaient de mémoire les expéditions militaires en Algérie et qui parlaient des enfumades, de bugeaux, etc. Donc il n'y avait pas de tabou. Très peu de temps, en fait, après que ça a été fait. C'était assez curieux, ça, d'ailleurs. On l'enseignait aussi beaucoup en géographie, hein, puisqu'on on étudiait la France, on étudiait les colonies, et donc on enseignait en géographie et en philo, aussi, dans les années 20. Donc il y a eu de très rares cas où l'enseignement du fait colonial n'a pas été assuré par l'école. C'est beaucoup moins vrai pour l'histoire de l'esclavage. Ça, en revanche, là, il y a eu un vrai trou qui commence à être comblé avec des flux et des reflux. Alors, ce qui s'est passé dans les années 80, au moment où vous parlez de cette irruption sur la scène publique des, entre guillemets, vous avez raison, des minorités, on pourrait retirer les guillemets, hein, mais c'est vrai que le mot même de minorité, en fait, ne s'applique plus aux mêmes catégories de population. Dans les années 80, on parle essentiellement, enfin, ceux qui entendent faire parler d'eux sont les gens qui sont héritiers d'une immigration post-coloniale. Et donc, ils revendiquent que leur histoire soit dite. Alors ça, il faut savoir une chose, c'est que ça a fait l'objet, dans l'institution scolaire, de lourds débats, justement. Et il y a un rapport, le rapport Giraud, dont je vous parlais, ça fait suite à ce que je vous disais tout à l'heure, un rapport Giraud en 1984, qui, c'est assez drôle, qui dit noir sur blanc, les classes maintenant sont composé d'une forte population immigrée, entre parenthèses, je cite, hein, réalité que l'on peut regretter. Fermez la parenthèse. Alors, il n'en dit pas plus, alors c'est assez curieux. Hein. Et donc, il se pose la question, très honnêtement, il se pose la question, comment est-ce qu'on peut intégrer l'histoire, justement, de ces régions d'origine, de ces pays d'origine, avec toutes les questions que ça suppose, hein, parce que ce n'est pas forcément leur pays d'origine, enfin bon. Donc comment est-ce qu'on peut intégrer l'histoire de ces pays d'origine dans les programmes scolaires ? Alors il y a deux tendances qui sont soulevées. Il y a un premier rapport, on adore demander des rapports, hein, c'est pour ça que je vous parle de rapports, souvent ils finissent dans les tiroirs, mais il y a un premier rapport qui est demandé à un grand historien du Maghreb, qui s'appelait Jacques Berck. On charge Jacques Berck d'une mission qui est donc de travailler sur l'enseignement de l'histoire, en particulier avec autour de cette question des enfants d'immigrés. Et on est en 85. Jacques Berck, le rapport est public, hein, il est à l'ABN. Jacques Berck publie un rapport qui est absolument excellent. Et dans ce rapport, il dit « il ne faut pas tomber dans un écueil ». C'est un orientalisant, hein. Il connaît parfaitement bien l'histoire du Maghreb, particulièrement l'histoire de la colonisation, etc. Et il dit « y a un écueil dans lequel il ne faut pas tomber. Ce serait celui d'enseigner l'histoire du pays d'origine, sous prétexte de dire bah, « tiens Malika, tu vas être contente, on va faire l'histoire de l'Algérie, c'est ton pays, donc tu vas voir, tu vas te sentir bien dans la classe hein. ». Bon, je caricature, mais c'est un peu ça. Donc d'enseigner le pays d'origine... Parce qu'il y a un risque, finalement, d'essentialiser, hein, c'est-à-dire de réifier le caractère d'altérité, justement, de ce pays. C'est-à-dire d'accentuer l'étrangeté au lieu de montrer précisément les nourritures réciproques qu'il a pu y avoir entre les deux aires culturelles ou les deux histoires, etc. Donc Berck dit, au contraire, il faut travailler à une autre histoire qui soit une histoire des contacts, qui soit une histoire des liens, hein, qui soit des contacts pacifiques ou belliqueux, d'ailleurs, peu importe, mais qui soit une histoire qui montre qu'il y a une interdépendance, qu'il y a une histoire commune. Et donc tout le rapport en substance insiste bien là-dessus en disant « ne faites pas l'erreur ». D'enseigner l'histoire ou la géographie du pays d'origine sous prétexte que ça va faire plaisir à Mamadou, à Malika, hein, parce que là, au contraire, on va les cantonner dans leur statut, enfin, dans leur altérité radicale, hein, mais au contraire, travaillons justement sur une histoire qui soit une forme de tissage des deux influences culturelles, ou de deux ou trois ou quatre influences culturelles. Ce rapport, vous l'imaginez bien, a terminé dans un tiroir, et alors vraiment au fond du tiroir, hein, puisqu'il est extrêmement mal connu. Et la dimension qui a pris le dessus est celle dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les programmes chevènements. Et les programmes chevènements font exactement ce que Berck dénonce. C'est-à-dire que dans les programmes chevènements, vous avez un moment où on dit « on va ouvrir à la culture de l'autre », enfin bon, toute cette rhétorique-là qui ne veut pas dire grand-chose, « on va ouvrir à la culture de l'autre en enseignant eh bien, l'histoire, un petit peu d'histoire ou un petit peu de géographie de ces pays d'Afrique, d'Afrique du Nord ou d'Asie, pour que chacun s'y reconnaisse. Voilà. » Et donc, il tombe dans cet écueil-là, qui est un écueil dans lequel on est encore un petit peu, d'ailleurs, hein, que nous, en tant qu'enseignants ou chercheurs sur l'enseignement, on appelle une assignation à résidence identitaire. C'est-à-dire, à un moment donné, bon ben voilà, vous voulez véritablement qu'on parle de vous ? Eh ben, on va parler de votre pays d'origine. Et aujourd'hui, alors autant dans les années 80, c'était déjà peu vrai, mais alors aujourd'hui, ça l'est encore moins, parce qu'on est déjà quand même à la troisième génération. Hein. Donc quand vous dites à un gamin né en France, dont les parents sont nés en France, mais qui s'appelle Mohamed, quand vous lui dites « on va te parler de l'histoire de l'Algérie parce que c'est ton pays », vous voyez bien un petit peu les travers dans lesquels on tombe et qui sont exactement les travers que dénonçait Berck il y a 25 ans. Actuellement, le problème est d'autant plus grave que... Il y a eu une sorte de surenchère, quoi. C'est-à-dire, au départ, c'est quelque chose de vraiment vital, de très riche, de très nourrissant, qu'en fait, l'histoire officielle des programmes scolaires ou l'histoire officielle tout court soit remise en cause par les personnes qui constituent actuellement le peuple en France ou ailleurs. Ça a permis justement de réouvrir sur l'histoire aussi, par exemple, des femmes, pas seulement des personnes immigrées, mais des femmes ou d'autres minorités, etc. Mais ensuite, progressivement, là, depuis quelques années, on assiste au contraire à une forme de surenchère. C'est tout ce qu'a fait par exemple quelqu'un comme Dieudonné, quoi. C'est de rentrer dans une concurrence mémorielle qui est vraiment obscène entre faire un décompte du temps qui est consacré à la Shoah par rapport au temps consacré à l'esclavage, faire un décompte des morts et de l'importance relative de ce type de catastrophe. Là, on est toujours là-dedans, quoi. Alors, on est là-dedans dans les débats publics. L'école essaye d'échapper un petit peu à cette logique-là, mais je dis bien essaye parce que ce qu'on appelle, nous, les groupes porteurs de mémoire, c'est-à-dire des groupes d'influence, hein, qui essayent d'avoir une parole, hein, d'avoir un discours sur les programmes scolaires. Certains sont intéressants, de toute façon, ils sont tous intéressants à écouter. Certains sont efficaces. La loi Taubira, par exemple, a été remarquable d'efficacité, hein, pour travailler la question de l'esclavage. Mais vous avez raison, le travers dans lequel l'école essaye de ne pas sombrer, c'est cette fameuse surenchère victimaire, on va dire. Et ça, c'est pas simplement la responsabilité des groupes porteurs de mémoire. C'est aussi parce que, justement, depuis les années 80, elles sont charnières, ces années-là. Depuis les années 80, on a vu s'opérer... Alors, il y aurait une étude plus affinée à faire, mais ça se sent quand même. On a vu s'opérer un retournement dans l'enseignement de l'histoire ou dans l'écriture de l'histoire, un retournement de la figure héroïque. C'est-à-dire que les héros dont je vous parlais tout à l'heure, Vercingétorix, Clovis, etc., sont des héros positifs. Positifs au sens où ils sont véritablement les porteurs de gestes héroïques auxquels on va chercher l'identification ou qui seraient paradigmatiques d'une attitude, etc. Et il y a un retournement dans les années 80 où le héros de l'histoire, en quelque sorte, devient la victime. C'est-à-dire que ceux sur lesquels on va focaliser notre attention sont les victimes de l'histoire, sont les sans-voix de l'histoire, les sans-voix entre guillemets, ceux qu'on n'entend pas. Alors soit parce qu'ils ont été l'objet de massacres, de guerres, de tout un tas de traumatismes historiques. On va insister là-dessus, sur le statut de victime. Et donc, en opérant cette espèce de retournement historiographique, on a ouvert aussi la porte un petit peu, justement, on a ouvert une brèche à ces groupes porteurs de mémoire. On a ouvert la porte de la mise en concurrence des victimes. Alors, c'est pas encore entré complètement dans le discours de l'école, dans ce qu'on appelle les prescriptions, donc dans les contenus scientifiques. Il n'y a pas de mise en concurrence des victimes, évidemment. Mais en revanche, c'est entré sur la scène publique et donc c'est entré dans la tête des élèves. Et on voit bien que là, on est face parfois à des cas extrêmement problématiques d'enseignement d'un certain type de questions, non pas par rapport au contenu même qui a enseigné, mais par rapport aux réactions possibles des élèves qui sont dictées par une forme d'appropriation du discours public sur ces questions. Oui, ça c'est quelque chose d'intéressant et de très contemporain et de très problématique parfois. La proposition de Nicolas Sarkozy, depuis retoqué sur l'enseignement de la Shoah, est assez représentative de ça. Oui, on est là-dedans. Alors, on est là-dedans en même temps, assez représentatif de ça. Je pense qu'il n'a pas... Je vais dire plusieurs choses. D'abord, je pense qu'il ne faut pas surestimer l'intelligence stratégique de Nicolas Sarkozy, ni surestimer l'intelligence tout court. Je pense qu'il faut être vigilant vis-à-vis surtout de ses conseillers, en particulier de Guénot. Mais sur ce coup-là, sur cet effet d'annonce-là, je crois qu'il y a une espèce d'engouement dîner du CRIF. Qu'est-ce qu'on peut proposer ? Vous savez, il donne toujours une carotte partout. Il passe, il laisse un truc. Donc, il était à Riyad avant, il fait l'apologie de l'islam, il va au Vatican, il fait bon. Donc, partout, il passe, il laisse un truc. Ça lui pose aucune question. Et je pense que là, il a absolument pas mesuré ce qu'il était en train de proposer. Je pense que toute cette question des enjeux de mémoire, l'unicité de la Shoah, du caractère singulier de cet événement historique, de susceptibilité que ça continue d'engendrer dans l'espace public et tout ça, je pense que tout ça, c'est quelque chose qu'il ignore complètement. Donc, lorsqu'il a fait cet effet d'annonce, de toute façon, on a bien vu au bouclier qui s'est élevé immédiatement. Enfin, je veux dire, la CVVH, je ne vais pas dire grand-chose pour le coup. Contrairement à l'affaire Moquet, d'ailleurs, qui était beaucoup plus délicate à travailler. Là, il y a une levée de bouclier. Je crois qu'il n'a pas du tout réfléchi à ce qu'il essayait de faire. Et ce n'était pas... Évidemment, le risque aurait été de mettre en concurrence les victimes, mais je ne pense pas que c'était ce qu'il cherchait à faire du tout. Je crois qu'il a simplement donné une cuillère de bouillie à l'endroit où il était, au CRIF, en se disant « ça va faire plaisir et ce sera très bien ». Je crois que c'est un coup électoral, c'est rien d'autre, c'est vraiment un coup électoral. Si bateau longtemps, il y a où dans le fond, sous bateau longtemps, et n'avait pas noir, t'es comme les animaux. Ça tu viens pas ici, ça tu baignes dans le sang, ça tu viens pas là, dans l'océan. Ça tu viens pas ici, Zati bay dansan Zati vie par la Nana l'océan Bam kalou bam Bam kalou bam Bam kalou bam Bam kalou bam Bam kalou bam Bam kalou bam Bam kalou bam Bam kalou bam Vie grand mouni di C'était le chanteur réunionnais René Lacaille qui chantait en créole Bam Kalou Bam, un chant sur l'esclavage d'autrefois et l'exploitation qui se poursuit aujourd'hui. On revient dans l'intempestif toujours sur Fréquence Paris Pluriel avec Laurence Decocq-Pierrepont, avec qui on s'en était arrêté au traitement spectaculaire des questions historiques par Nicolas Sarkozy. Faisons lien avec l'affaire de la lettre de Guy Moquet, puisque le lien, en fait, c'est cette sorte de traitement de l'histoire exclusivement par l'émotion, qui permet en réalité d'arriver aux paradoxes les plus, aux contradictions les plus grandes. Ça permet, un président extrême, très, très libéral, réactionnaire, de cette inspiration-là, de s'approprier une sorte d'icône communiste. Est-ce que, justement, ce traitement par l'émotion, c'est pas une manière de neutraliser l'histoire, de neutraliser tous les conflits qui ont eu lieu, d'en neutraliser toutes les controverses et de rendre le débat absolument impossible? Parce que là, on voit le niveau de débat qu'il peut y avoir derrière des propositions comme celle de la Shoah ou comme par exemple sur Guy Moquet. Ça permet d'absolument faire taire tout le monde en réalité. Oui, ça procède d'une logique de brouillage. Hein, il est dans une logique de brouillage du clivage droite-gauche, déjà. Hein. Quand on regarde ses discours électoraux, c'est très clair. Hein. Vous avez toutes ces litanies de personnages. Il peut s'identifier aussi bien à Blum, à Jaurès, qu'à Mandel, qu'à Clémenceau. Donc on est dans un brouillage le plus complet. Donc vous avez raison de ce point de vue-là. Brouiller les cartes, ça interdit tout ce qui est conflictualité politique. Nicolas Sarkozy a horreur de la conflictualité politique. De ce point de vue-là, il est profondément antidémocrate. Il a horreur de ça. Donc, on brouille les cartes, on recherche le consensus, et donc, du coup, on neutralise le débat. Vous avez tout à fait raison. Maintenant, sur la question de l'enseignement de l'histoire, des émotions, etc., ça procède de la même logique. Nous, on n'est pas contre l'idée qu'il faille mobiliser l'émotion pour enseigner l'histoire. L'émotion, c'est un levier, hein, c'est un levier pédagogique qui est tout à fait efficace, et pour certains événements, il s'impose. Je veux dire, on ne peut pas enseigner l'histoire de la destruction des Juifs d'Europe sans faire appel à l'émotion. Ce serait un non-sens, on passerait à côté d'une très grosse dimension de l'événement. Hein. Simplement, l'émotion, c'est un levier pédagogique. Hein? Et ensuite, elle doit être mise à distance, elle doit être objectivée, elle doit faire un travail, elle doit faire l'objet tout simplement d'un travail de rationalisation, hein, pour une intelligibilité de l'événement en question. Bon, mais ça n'intéresse pas Nicolas Sarkozy, puisque de toute façon, ce qui l'intéresse dans la lecture de la lettre de Guy Moquet, c'est certainement pas que les lycéens connaissent l'histoire de la résistance française. Ça, c'est le cadet de ses soucis. Hein. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir trouvé un document qui soit un document si vous cachez la date, est absolument impossible à dater, hein, qui est évidemment un document profondément touchant, mais qui ne recèle rien d'historique. De ce point de vue-là, il est particulièrement utile, hein, et particulièrement efficace. Il ne recèle rien d'historique, et si on le lit à la lumière d'aujourd'hui, sans transiter par le passé, si on le lit à la lumière d'aujourd'hui, vous y avez toutes les vertus qui sont celles mobilisées par le système sarkozien, c'est-à-dire la vertu du travail, travaille bien à l'école, mon frère, etc. La vertu de la famille, enfin la vertu, l'institution familiale, hein, ma petite maman chérie, nanana, donc le travail, la famille. Et puis la dernière partie, qui, du point de vue de Guy Môquet, n'est pas du tout un sacrifice, mais qui, si on le lit d'aujourd'hui, peut être lu comme un sacrifice patriotique. Hein, donc on a le travail, la famille, la patrie. Terriblement efficace. Donc évidemment, le but, c'est certainement pas, c'est certainement pas d'enseigner l'histoire de la résistance française. Le but, c'est de passer par l'émotion pour fabriquer une adhésion, pour fabriquer une citoyenneté d'adhésion. C'est-à-dire exactement ce contre quoi nous, on s'insurge. Pas une citoyenneté critique, hein, qui serait tout simplement la capacité à pouvoir mobiliser des outils de réflexion critique pour sa conscientisation politique. Hein. Pas ça, c'est surtout pas ça qui l'intéresse. Mais une citoyenneté d'adhésion. Une citoyenneté d'adhésion au système, à son propre système. Hein. Parce que quand on est dans l'émotion, on est suspendu dans l'émotion. Et surtout un lycéen. Un lycéen, il se suspend très facilement dans l'émotion. Et il aime bien y rester. Hein. Donc on y reste. Donc si tout ce travail de mise à distance, de rationalisation, etc. n'est pas fait, ben, on est suspendu dans l'effet d'annonce, dans l'effet de surprise, dans l'affect. Et c'est comme ça qu'on fabrique progressivement un mode d'identification qui fabrique de l'adhésion. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que vous aviez également évoqué lorsque vous étiez intervenu justement autour de la sortie du film Indigène, où il y a eu à ce moment, donc le film Indigène, c'est un film, j'avais retrouvé mon papier, c'est un film de Rachid Bouchareb qui parlait des tirailleurs, notamment du problème qu'ils n'étaient pas du tout reconnus. Reconnu actuellement, et donc le fait de faire ressurgir ce film, il y a une sorte d'obligation morale à aller voir ce film pour contribuer à la reconnaissance des tirailleurs. Et vous parlez dans cet article sur le site du CVUH du fait que les enseignants avaient été invités à voir le film en avant-première, que des dossiers d'accompagnement pédagogique avaient été mis en place. Donc voilà, tout un processus qui avait été engagé pour que tous les élèves aillent voir ce film, dont vous parlez comme d'un film qui, en réalité, permet encore une fois de fabriquer du consensus, d'éviter tout débat et d'enlever en réalité cette histoire des tirailleurs des mains de ceux qui l'avaient, puisqu'ils sont représentés à l'écran par des célébrités. En réalité, la parole a été donnée aux célébrités, elle n'a jamais été donnée soit aux tirailleurs, soit à leurs descendants. Oui, c'est un article qui a été écrit donc, il y a presque 2 ans maintenant hein, qu'il est sorti ce film-là. Donc je précise bien dans cet article que le but n'est pas de critiquer le film, hein, ni le propos du film, certainement pas, ni la légitimité du propos du film. Mais les établissements ont été absolument inondés de plaquettes publicitaires. Ils ont fait l'objet d'une véritable, j'allais dire, d'une véritable drague de la part de la boîte de production ou je sais pas quoi, pour que tout le monde y emmène ses élèves. Le film est sorti en, c'était quoi, septembre, je crois. Hein, ouais, 2006. Ouais, donc le film est sorti en septembre. Donc la Deuxième Guerre mondiale, on l'étudie entre décembre et janvier, en troisième, par exemple. Donc emmener ses élèves voir ça en septembre, ça n'a aucun sens. On est en train de faire la Première Guerre mondiale, donc je vous explique pas les télescopages chronologiques que ça a opéré. Bref, donc tout le monde a été inondé, c'est devenu quasiment une injonction d'aller voir ce film. Hein, il fallait absolument passer par ce film. Bon, on recommence la même histoire. On interview des lycéens à la sortie du lycée. Les lycéens disent ah ben quand même, c'est bien qu'on nous parle de ça parce qu'à l'école on nous a jamais parlé de ça. Allez, c'est reparti. Hein, donc à nouveau, l'école ne fait pas son travail, etc. Bon, il suffisait d'ouvrir un manuel scolaire pour savoir qu'on parle des tirailleurs sénégalais dans tous les manuels scolaires depuis bien longtemps. Hein, donc c'est évidemment pas juste. Donc ça, c'était une première chose qui était passablement agaçante. Et puis la deuxième chose que je dénonce dans cet article, oui, c'est cette pipolisation. Hein, cette pipolisation qui fait que, on fabrique du consensus autour de vedettes. Alors c'est Jamel, c'est, je sais même plus comment s'appellent les autres parce que je suis pas très forte en pipolisation. Et j'avais assisté à une scène dans un journal télévisé. Vous aviez un tirailleur sénégalais qui était invité. Et puis ce pauvre monsieur n'a absolument pas eu le droit à la parole. Donc on a assisté à une confiscation symbolique de la parole justement de ces acteurs. Hein. Et toute la faiblesse de l'enseignement de l'histoire aujourd'hui en France ne tient pas dans ce qui serait du non-dit, elle ne tient pas dans des tabous, dans des choses qui ne seraient pas dites, c'est pas vrai, mais elle tient dans la forme d'écriture de cette histoire, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas encore réussi à faire, justement, c'est de restituer la parole aux acteurs de l'histoire. parliez des femmes tout à l'heure, des esclaves, des colonisés. On n'a pas encore réussi à écrire l'histoire de leur point de vue, en tout cas d'un point de vue partagé, hein, parce qu'il ne s'agit pas de tomber dans l'excès inverse et de l'écrire non, uniquement du point de vue des opprimés, entre guillemets. Mais en tout cas, aujourd'hui, on n'enseigne pas une histoire, en France, on n'enseigne pas une histoire faite par des hommes et des femmes. On n'enseigne pas une histoire faite par des gens. On enseigne des grands modèles, des machins, des trucs culturels, la culture de guerre, la culture coloniale, des trucs bien efficaces, des modèles républicains, des trucs qui ne veulent strictement rien dire, sauf qu'ils ont une efficacité terrible, c'est qu'ils font disparaître ce qui est le pouvoir d'agir des acteurs, le pouvoir d'agir des gens. Et ça, c'est particulièrement problématique, parce que ça veut dire qu'en substance, on dit aux enfants, tous les jours, hein, à nos élèves, qu'ils soient petits ou plus grands, on leur dit, finalement, vous n'êtes pas des acteurs de l'histoire. C'est ça qu'on leur dit en substance. Mmh. Hein. On leur enseigne une histoire en disant, regardez bien, ça vous concerne, c'est ça va vous donner de l'identité, de la citoyenneté, etc. Mais au fond, en filigrane, le discours, c'est quoi? On leur dit, vous n'êtes pas des acteurs de l'histoire. Comment voulez-vous qu'ils acquièrent une conscience historique? Comment voulez-vous qu'ils acquièrent une conscience politique? La pipolisation procède de la même logique. On confisque, justement, un pouvoir d'agir des acteurs de l'histoire. Et on le spectacularise, on le donne à manger à des gens qu'on espère complètement passifs. Et voilà, et c'est comme ça que le système continue d'évoluer, de se reproduire. Parce que précisément, les gens ont perdu, les gens ont perdu cette notion de responsabilité politique. Voilà. Donc les programmes scolaires sont très en retard sur la recherche. Et sur la question de l'esclavage, ils parlent beaucoup de Victor Schœlcher, mais ils ne parlent pas du tout des esclaves qui se sont eux-mêmes mutinés pour réclamer l'abolition. Donc ça risque pas de s'arrêter, d'après ce que vous dites. C'est assez volontaire politiquement de tenir ce discours en empêchant les gens de s'approprier cette histoire et d'y agir. Bien sûr, on est toujours dans un système où l'État préfère fabriquer de l'adhésion plutôt que de la citoyenneté critique. C'est toujours plus dangereux d'avoir de la citoyenneté critique. Mais vous avez raison, il y a un véritable retard des programmes scolaires vis-à-vis de la recherche universitaire. Alors ça procède à la fois d'une intention étatique, on l'a vu, mais pas seulement. C'est-à-dire que ça pose un véritable problème pédagogique aussi. Parce que quand on enseigne la culture de guerre, la culture coloniale, les modèles républicains, etc., c'est facile à enseigner ça. C'est très facile, c'est la parole du prof, c'est la parole magistrale. Hein ? Alors on va vous expliquer, ça se passe comme ça, il y a une culture de guerre, une brutalisation, tout le monde a la violence en lui, tout le monde barbarise l'ennemi, etc. On peut l'expliquer, hein ? Et puis c'est une histoire qui est vue d'en haut. Donc finalement, la parole magistrale du prof, elle est en quelque sorte une forme d'incarnation symbolique du discours qu'on transmet. Le problème pédagogique, c'est que si on commence à vouloir, ce qui serait l'idéal au fond pour coller justement à la recherche universitaire, si on commence à vouloir introduire des discontinuités, à vouloir introduire des juxtapositions de temporalités multiples, temporalités différentes, la femme qui agit sur un événement et puis en parallèle les esclaves au même moment et puis en parallèle les chefs d'État, etc. C'est ça qu'il faudrait faire, hein, c'est-à-dire multiplier les regards. Bon, ça sur le plan pédagogique, c'est extrêmement difficile parce que ça vient questionner un paradigme fondamental de l'enseignement à l'école qui est la question de la vérité. C'est-à-dire, qui dit la vérité ? Si vous me dites que les femmes, elles faisaient ça, elles pensaient ça, et qu'au même moment, il y avait les esclaves qui faisaient ça et qui pensaient ça, et qu'au même moment... Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, elle est où, la vérité ? Alors, s'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de récit. Et s'il n'y a pas de récit, il n'y a pas d'intelligibilité. Ça, je suis en train de vous tenir un discours très pédagogique, mais c'est un des paradigmes de l'école. L'idée que s'il n'y a pas de récit, s'il n'y a pas de linéarité du récit, s'il n'y a pas de causalité, ça engendre ça, engendre ça, engendre ça, hein, si tout n'est pas lissé, l'enfant ne peut pas comprendre. Je ne suis pas du tout certaine que ce soit juste. Mais ce qui est sûr, c'est que sur le plan pédagogique, enseigner la complexité, c'est extrêmement difficile. Parce que ça voudrait dire accepter que les élèves sortent avec autant de questions que de réponses. Et ça, on n'est pas prêt à l'accepter. Parce qu'évidemment, ce qu'on aimerait, c'est que nos élèves sortent avec des réponses. Mais dans le monde actuel, qui est un monde qui repose sur les tensions, qui est un monde qui repose sur les questions, je crois qu'il faut accepter justement que les élèves sortent avec des questions. Et finalement, c'est ça, la citoyenneté critique. C'est sortir avec des questions et puis s'arranger pour choper des outils de réflexion un peu partout et pas seulement à l'école. Mais l'école, elle n'est pas prête à accepter ça. L'école, elle se pense encore comme l'institution qui est la seule détentrice des outils d'analyse de ce qui se passe dehors. Mais c'est bien sûr que c'est complètement faux. C'est un leurre total. Voyez ? Donc, enseigner la complexité, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore faire en France. Dans d'autres États, on l'expérimente, mais en France, on ne sait pas encore le faire. Là, la pluriperspectivité, la pluralité de regards, le fait de mettre en coexistence, en fait, les différentes subjectivités possibles de l'histoire. Dans les grands cours populaires, quand le lion enfin rugit du instrument de ses colères, une classe d'homme surgit. L'histoire, lorsqu'on l'interpelle, ignore ses individus. Des les yeux veulent les empêlent, les inconnus, les inconnus. Pourtant justicier de gloire, maître en bataillon décimé, ils sont les gaudes et les chats, les martyrs de joie et de mai. Plus bas qu'un cid de Castille, soldats sans pouvoir aux nus, tout seuls ils ont pris la Bastille, les inconnus, les inconnus. Dans les massacres de la rue, étouffant la voix du canon, sur le pouvoir elle se rue, la horde obscure des sans nom. Troupeaux s'enchaînent anonymes, à l'improviste ils sont venus accomplir leur œuvre sublime, les inconnus, les inconnus. Les plus fameux, ils ont la taille, ils pourraient être conquérants. Cependant, après la bataille, humbles, ils rentrent dans les rangs. Ils sont martyrs et pas apôtres, ils partent comme ils Voilà, c'était Les Inconnus, ça fait partie des chants de la commune de 1871. On revient tout de suite dans l'intempestif sur Fréquence Paris Pluriel avec l'historienne et prof d'histoire géo Laurence de Coq-Pierrepont, avec qui on est en train de parler de l'enseignement de l'histoire en France. Il y a un autre écueil, inversement, qui apparaît notamment de manière très très forte et très flagrante aux États-Unis, avec le fait qu'ils décident d'enseigner à part égale la théorie de l'évolution et le créationnisme, c'est-à-dire le créationnisme, c'est ce qui reprend l'idée de la Bible, quoi, que le monde serait créé par Dieu, etc., en disant, voilà, ce sont deux théories scientifiques qui sont strictement équivalentes, et maintenant elles vont être enseignées à part égale. Et en France, je ferai le parallèle, enfin, c'est un petit parallèle qui est un petit peu, qui est pas tout à fait juste. Mais la loi, en fait, qui a poussé le CVEH à se créer, la loi Mekachera, elle voulait, en fait, enfin, elle a imposé un enseignement du rôle positif de la colonisation sur l'argumentation que, voilà, il y a eu, effectivement, il y a des aspects négatifs, il y en a des positifs, ben, on va enseigner les deux. Oui, vous avez tout à fait raison, ça rejoint ce que je vous disais, c'est-à-dire le rapport à la vérité. À quel moment est-ce qu'on ne doit pas tomber dans le relativisme, où tout se vaut, hein, où on est dans une mise en équivalence? C'est là que je vous parlais de complexité et de surtout pas mise en équivalence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir aussi faire intervenir la question de l'éthique. Hein, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, hein. La question de l'éthique, la question de la déontologie, la question de la morale, la question de la prise de position, c'est extrêmement complexe en effet, parce que c'est un travail d'équilibriste qui consiste à ne pas être maître de vérité, hein, au sens où on diffuserait un discours comme ça, qui serait admis, qui ferait vérité et qu'on ne pourrait pas venir contredire, et à ne pas non plus tomber dans ce que vous dénoncez tout à fait à juste titre, c'est-à-dire le relativisme. C'est un travail de funambule, extrêmement compliqué à faire avec des élèves. Mais vous avez raison, c'est un écueil très important. Et d'ailleurs, cette loi Mekachera a donné lieu, sur le plan éditorial, à des choses absolument aberrantes. Hein. Vous avez certains manuels scolaires où, à la fin du chapitre, on a un tableau récapitulatif plus moins. Vous voyez ? Donc ce qui a été positif, ce qui a été négatif. Bon. Donc voilà, ça donne lieu à des choses comme ça. Alors, comment court-circuiter ça ? Évidemment, en n'apprenant surtout pas aux élèves... Là encore, hein, je fais un enseignement utopiste, hein, parce qu'on en est loin. Mais en n'enseignant surtout pas aux élèves un principe manichéen d'analyse, c'est-à-dire positif, négatif, méchant, bon, mauvais, gentil, pauvre, riche, mais en étant toujours dans la, pas dans la nuance, mais dans la, dans la complexité, c'est-à-dire en montrant que les choses ne sont jamais binaires, noires ou blanches. Ce que le CVUH dénonce aussi, c'est justement cette forme d'injonction permanente actuellement à juger l'histoire. Oui, bien sûr, voilà. Donc à avoir un regard qui soit un regard d'ordre plus politique ou juge, oui, d'ordre judiciaire. Mmh. Évidemment qu'il ne faut surtout pas faire ça non plus avec des élèves. Sur le fait colonial, si vous enseignez à des élèves ce que les historiens appellent le moment colonial ou la situation coloniale, finalement, ce que vous enseignez, c'est justement les types d'interactions entre colons et colonisés. C'est-à-dire ce phénomène de rencontre, ce phénomène sur le long terme qui fait que, de toute façon, il y a rencontre. Alors, violente, hein, avec rapport hiérarchique, etc., mais il y a rencontre et imprégnation réciproque de rapport au monde, de mode de vie, de quotidien, etc., sans court-circuiter, encore une fois, hein, tout ce qui est rapport hiérarchique, violence, etc., mais de montrer que le colonisé rencontre le colonisateur, ça se traduit comment ? Ça se traduit par des accommodements, par des micro-résistances, par des railleries, enfin tout un tas de choses qui font qu'on reste quand même maître aussi à un certain moment de son destin. Hein. Et puis de son côté, le colonisé rencontre, ça se traduit par des modifications d'accent, de langue, de tenue vestimentaire, culinaire, etc. Tout ça avec des différences selon les catégories sociales. Et vous voyez que là, si on fait l'histoire comme ça, c'est-à-dire du point de vue des gens, du point de vue des acteurs, c'est absolument impossible de se poser la question du positif ou du négatif. Hein ? On ne se pose pas comme ça. Et ça ne veut pas dire passer sous silence le nombre de morts, passer sous silence le travail forcé, etc. Mais ça veut dire tout simplement faire de l'histoire d'un point de vue qui est, comme diraient les anthropologues, d'un point de vue qui est immanent, c'est-à-dire qui part des gens, et qui n'est pas transcendant, c'est-à-dire qui ne part pas des puissants. Voilà. Ben merci beaucoup, Laurence Lecoq-Pierrepont. Vous allez sortir un petit bouquin bientôt, je crois, justement, où vous attaquez la transcendance sarkozienne. Exactement, oui. Donc le CVUH sort un ouvrage collectif donc le 18 avril qui s'appelle « Comment Nicolas Sarkozy écrit l'histoire de France ». C'est un dictionnaire critique, hein, c'est-à-dire que nous avons pris les 700 pages, un vrai bonheur de vacances d'été, les 700 pages de discours électoraux. Et on a indexé les principales occurrences historiques qui revenaient, donc personnages et événements. Et on a demandé à chaque fois à un collègue de s'emparer d'un événement ou d'un personnage et de montrer l'instrumentalisation. Donc il y a une quarantaine de notices, 22 auteurs, et ça paraît chez Agone, 18 avril, c'est un petit brûlot jubilatoire. Voilà, ben en attendant de jubiler, vous pourrez réécouter cette émission lundi à 11h sur FPP. Elle sera ensuite disponible sur www.intempestive.net. Et on vous encourage également fortement à aller faire un tour sur le site du CVUH, c'est cvuh.free.fr. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion ? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.